Mission Les Oreilles Ailleurs vous est présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier-Est, cafébabylone.com. Laissez voyager vos sens, c'est Michel Monette au micro qui va vous aider à faire voyager vos sens. Et cette semaine, on est en Italie dans la première partie de l'émission. Ensuite, nous serons en Lituanie et en Suède. Dans la première demi-heure, j'ai choisi deux groupes italiens pour vous, deux groupes italiens dans le rock alternatif. D'abord, After Hours, très italien comme nom, n'est-ce pas? Ensuite, Marlene Kuntz. Tout aussi italien. After Hours, c'est un groupe de Milan qui a été formé en 1986 et qui a émergé sur la scène alternative rock alternatif italienne dans les années 1990. Pourquoi ce nom? Pourquoi After Hours? Eh bien, c'est inspiré d'une chanson de Velvet Underground. Vous savez, ce Velvet Underground, ce groupe de Nick Cave. De Lou Reed. Nick Cave, c'est plutôt l'autre groupe, Marlene Kuntz, qui les a influencés. Donc, de Lou Reed, Velvet Underground. Je l'ai dit, c'est du rock alternatif. On va entendre trois pièces d'un album qui a été primé en 2012. Un album qui s'appelle Padania. Un album que je trouve personnellement magnifique. On va entendre Terra di Nessuno. Ensuite, Metamorphosi et Construire per Distruggere. On va donc entendre ces trois pièces. J'en rencontrerai peut-être un peu plus après sur ce band italien. c'est libertà. Sai perché? Fa così male. Se è libertà. Tu l'hai già. Già un anno in più, un sei in più, se ci sarà vita, là dove questa morte finirà. Ciò che non ho perderò. Non torna. Non scegli più quel destino che uno ha. So che c'è, prima o poi, è un mostro d'amore. Se non c'è, qui per me cosa c'è per noi? Ciò che hai, ciò che perderai, non torna. Meno dieci arriverà. potrò salvarlo qua. Le sirene già mi laceran le idee e la puzza di benzina mette sete. Nei corridoi i nervi e i servi tesi, eppure l'han provata per dei mesi. Vergini ballano perché ora manca poco, ed io ripenso ancora come fare fuoco. Sarà bellissimo fare parte della gente senza appartenere a niente mai. No, no, no, no. Siamo fermi qui a guardare verso il niente. Siamo pubblico che spia un incidente. Perché il mondo a cui appartengo è già invecchiato. E mi accarezza anche il ricordo di un nemico che bacerà la mano che lo batterà, liberandolo. Un pupazzo nelle mani di un amore mai provato, per la gente che ti adora, per la causa che non hai mai sostenuto. Sarà bellissimo fare parte della gente senza appartenere a niente mai. No, no, no, no. Cadremo tutti e poi sarà un piacere. Cadremo tutti e poi festeggeremo la liberazione dal nostro dovere. Costruire per distruggere, costruire per distruggere. Una lunghissima, lunghissima, lunghissima rincorsa per finalmente poi poter morire. C'était Construire per distruggere du groupe After Hours. Ce groupe a remporté en 2012 un prix, le prix du meilleur groupe des Italian Independent Music Prize, en fait le prix pour de la musique italienne indépendante, à la fois pour la qualité artistique de l'album Padania, mais aussi pour le courage qu'ils ont eu de produire eux-mêmes, de produire seuls leur long jeu, leur album. Padania a débuté à la fin des années 80, début des années 90, je vous l'ai dit tantôt. Ils ont débuté en anglais. Ils ont tenté de faire une carrière internationale. Et puis, à compter de 1994, ils ont décidé de désormais faire des chansons uniquement en italien. Il y a un lien avec le groupe qui suit, le groupe Marlène Kuntz. K-U-N-T-Z, Marlène comme Marlène Dietrich, Marlène Kuntz. Et je dis qu'il y a un lien parce que dans une entrevue que donnait Marlène Kuntz en 2013, on leur demandait, mais pourquoi vous tentez pas de faire une carrière en anglais comme After Hours, justement, et eux de répondre, bien, ça donne rien, on réussit pas à percer. Il y a très peu de groupes qui réussissent à percer sur la scène internationale. Donc, ils préfèrent s'en tenir à l'Italie. Marlène Kuntz, c'est un groupe du nord de l'Italie, en fait, tout près de la frontière française, dans une ville. Ils se sont formés dans une ville qui s'appelle Cuneo, dans le nord de l'Italie. Ils sont qualifiés de... attendez un petit peu que je retrouve mes notes, parce que ça vaut la peine. Ils sont qualifiés de noise post-punk and dark rock, leur groupe, quand ils ont débuté dans les années 80, à la fin des années 80. Donc, il y avait, vous savez, ce noise rock, là, le bruit, il y avait beaucoup de bruit, le post-punk et le dark rock. Ils étaient dans ces eaux-là à peu près. Ils sont davantage allés vers le rock alternatif depuis. Là, on va écouter deux pièces d'un album qui s'appelle Nella Tua Luce. On va écouter Il Genio et ensuite Su Quelle Sponde. On écoute Marlène Kuntz. Arrivare a temere di non essere frainteso. Se solo avessi il genio, se solo avessi il genio. Mi piacerebbe estrapolare dal mio pensiero un contrappeso. Partire dall'ingegno per arrivare al genio. Non avere niente da dichiarare eccetto che il proprio algido genio, il proprio fulgido genio. Tanto cieca la falsità, è solo l'altrui verità che vorrei prendere a calci in faccia. Mi piacerebbe disorientare senza troppo dare peso ai patti col contegno, se solo avessi il genio. È il buon senso demolire, così come comunemente inteso lo fece Wilde il genio, con il suo caustico genio. Non avere niente da dichiarare eccetto che il proprio algido genio, il proprio fulgido genio. Tanto cieca la falsità, è solo l'altrui verità che vorrei prendere a calci in faccia. Non avere niente da dichiarare, eccetto che il proprio

La plupart des parents inscrivaient leur bambin à l'école de musique, ce qui fait que Alina Arlova a appris le piano classique dès l'âge de 7 ans, mais elle n'aime pas le piano classique. Ce qu'elle préfère, c'est lire et peindre. Donc, elle rêve d'être artiste, de rencontrer des gens, de voyager, d'être libre. Mais finalement, c'est grâce à la musique qu'elle va gagner son passeport d'artiste international. À compter de 17 ans, elle va commencer à écrire des chansons qu'elle va accompagner au piano. Et là, je vais l'assister. Pour exprimer mes émotions, la musique était plus puissante, plus physique que la peinture. Elle passe par le cœur plus que par le cerveau. Je suis assez d'accord avec elle. Quoique, je ne sais pas, je ne suis pas peintre, donc je ne peux pas parler au nom des gens qui sont peintres. Il y a sans doute beaucoup d'émotions qui peuvent aussi passer par la peinture. On va écouter trois pièces d'Arlina Orlova. D'abord, Pascotinio Mamuto. Daina. Ça, c'est tiré d'un album qui s'appelle Lokinis Suodingo. Ensuite, on va écouter Sirdis et puis Kirbistelli, les deux tirés de son dernier album, paru en 2010, Mutabor. Bon, je le dis à chaque semaine, je le redis encore cette semaine. Si vous avez de la difficulté à retenir le nom des chansons, je peux comprendre. D'autant plus que c'est pas évident à écrire sur un bout de papier, parce que ce n'est pas en français ou en anglais. Il y a le blog lesoreillesailleurs.net. Toutes les chansons que vous avez entendues aujourd'hui, celles que vous allez entendre d'ici la fin de l'émission, vont être sur le blog un peu plus tard dans la journée. Commençons donc par Pascotinio Mamuto Daina. Aš paskutinis mamutas šioj įšalo žemėj mano iltis per trumpos, o akis per senos. Archeologai sapnoja tamsiau naktim mane. Jūs šunys urzgė ir loja man amžina nemiga. Aš pamiršau, kaip kalbėti mamutų maldas. Ir nėra nieko, kas galėtų priminti man ją. Nes mano brolių skeletai muziejose dūka. Aš norėčiau numirti, bet mano šonai nepraleidžia kūkų. Aš paskutinis mamutas taip buvau, kai jo buvau. Ir vienas dievas te žino, kai aš pavargau, aš pavargau, aš pavargau. Ir aš apsvaigus šoku jau. Kiberkstele de Alina Orlova, c'est tiré de l'album de l'album, pardon, je vais retrouver le nom, c'est tiré de l'album Moutabar, voilà. Petit truc en passant, si vous aimez ce que vous avez entendu, vous allez sur YouTube, vous cherchez Alina Orlova, ça s'écrit comme ça se prononce. Il y a plusieurs de ses concerts qui sont disponibles. Elle chante en lituanien, en russe et en anglais. Donc elle chante en trois langues. On va maintenant écouter une dernière chanson d'Alina Orlova et ensuite on va écouter sa carte. Alina Orlova, Chia, tiré de l'album Mutabar. J'espère vous avoir convaincu d'ajouter cette artiste lituanienne dans votre discothèque personnelle. Là, je vais vous mêler un petit peu. La prochaine artiste s'appelle Annika Norlin, mais c'est à la fois Hello Safarid et Sakirk. Hello Safarid, c'est son versant anglophone, tandis que Sakirk, c'est son versant suédois. On va se contenter du versant suédois de cette chanteuse qui n'a pas son année de naissance. En fait, ça n'a pas tellement d'importance. Elle est jeune, tout comme Alina Orlova. C'est une jeune vedette montante en Suède, très peu connue sur la scène internationale. On va écouter trois chansons de Sakirk, alias Annika Norlin. On va écouter les chansons Honug, Farjag et Nardudor. Les trois sont tirés de l'album Fetch It. On écoute ça. Sparvarna fört sitt över ängarna, godkänt som änglarna landar på dig. Thank you. träffade ikväll. Får jag gå precis så nära att min axel stryker vid din arm? Jag vill inte verka jobbig eller så, men jag är varm. Du ser kall ut. De l'album Fetch It de Sackert. Sackert, c'est Anita Norlin. N'aura pas le temps d'écouter au complet la dernière pièce. J'ai à peine le temps de vous saluer et de vous inviter à demeurer en onde pour l'émission qui suit, Topic du Capricorne, avec Michel Bonaparte, qui nous réserve une petite surprise pour sa dernière de la saison. Donc, on écoute le début de Nard du Dor de Sackert, tiré de l'album Fetch It. Jag kastar jord på din kista. Jag har sett det är som man gör. Jag anmålar och undrar om gudarna som jag inte tror på hör. Jag viskar Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. L'émission Les oreilles ailleurs vous a été présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier-Est, cafébabylone.com.